connard. Y et W, t'inquiète, je gère. Gros fils de pute, si t'as déjà volé dans le sac de ta mère. Je m'en bats les couilles de ce que vous pensez. J'allais voler quand t'allais danser. Argent, argent, c'est dans mes pensées. Shit et alcool, ils sont mélangés. Toujours traité comme un étranger. Ça fait longtemps que je suis dérangé. Tu sors le jour, tu sors la nuit. Pour un 10 balles, tu te fais étrangler. Ça fait 10 ans que j'ai vu le métier. Ça fait 10 ans que j'ai vu le métier. Ça pue la merde et ça pue des pieds. Demande à mon banquier et mon lunetier. Ils diront Guizy les flex. Ils crament les billets comme sa cigarette. Il arrive, il est bourré. Mais il repart avec 6 palettes. Qu'est-ce qu'il a dans le ciboulot? Quelques wanches avec 8 canettes. Moi je ne fais que mon boulot. Je fais du rap et les flics m'arrêtent. Bordel, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Moi je suis foncé dans la ville. Et j'ai arrêté le vol. Bientôt je mettrai les voiles. Y'a du shit dans mon cellophane. Tu suis pas là pour plaire aux femmes. Moi je ne suis qu'un mélomane. Kaby craft des kilos. Je suis dans le Jax, toi t'es où? Y'a les keufs, t'as les fous. Demande pas, je suis passé où? Je suis dans la cave, dans le zoo. Y'a du shit dans mon cellophane. Tu suis pas là pour plaire aux femmes. Moi je ne suis qu'un mélomane. Kaby craft des kilos. Je suis dans le Jax, toi t'es où? Y'a les keufs, t'as les fous. Si tu demandes un rendez-vous, je suis à Barbès ou dans le zoo. Traîner dans la rue, voilà j'ai trop fait de sale. Elle m'a pris pour un con, je l'ai jeté comme mes chaussettes sales. De lundi à lundi, toute ma vie c'est un open bar. Elle m'a dit je t'aime, t'es trop mignon, vas-y j'ai coqué ça. Tu veux le renard, bah c'est par ici. Moitié banlieue, moitié parisien. Les rappeurs comme moi et sur un réfi. Tu veux de la frappe négro, vas-y viens. Et le pôle emploi, je lui nique sa mère. Je deviens fou une fois que je bois la pierre. Des fois je suis fonce des ouais j'exagère. Toujours solo dans mon coin quand c'est la merde. Et avec tout ce que je déblatère, ce que je dis c'est vrai, j'en suis pas fier. Je fais du rap et je m'en sors pas trop mal. J'ai fait la rue le rap et je suis pas trop mat. J'allais voler chez les gens, pas de taf au black. J'allais voler chez les gens, ouais. Y'a du shit dans mon cellophane. Tu suis pas là pour plaire aux femmes. Moi je ne suis qu'un mélomane. Kaby craft des kilos. Je suis dans le Jax, toi t'es où? Y'a les keufs, t'as les fous. Demande pas, je suis passé où? Je suis dans la cave, dans le zoo. Y'a du shit dans mon cellophane. Tu suis pas là pour plaire aux femmes. Moi je ne suis qu'un mélomane. Kaby craft des kilos. Je suis dans le Jax, toi t'es où? Y'a les keufs, t'as les fous. Si tu demandes un rendez-vous, tu as Barbès ou dans le zoo. Les armes, qu'est-ce que c'est? Les armes, c'est ta seule vraie richesse. C'est des valeurs boursières. Des œuvres d'art, tu vois, des conneries qui se monnaient et qui grimpent en valeur. Voilà, zone sensible. Maka de Moko, voilà, c'est choquant. Arifji, Maïtika, Denis Willy, Willy Uni Business. C'est quoi le beurre? Une caisse, des fringues, une montre, toute cette gamme de merde que t'achètes et qui vaut plus rien une fois que tu as. Cherche pas ailleurs, mec. Des armes et du beurre. Point barre. Vous êtes même pas finis.